médias se branchent sur les ordures. Comme les chutes qui se mettent à coups du pouvoir du sûr. C'est dans les poubelles qui se trouve une allure, qui renifle et qui pète les gages de leurs chaussures. La caramel pour celui qui partage avec lui-même tout seul la chronique de l'offage. De satisfait et jouit à son simple regard, quand il voit son reflet, sa vision de bâtard. Ce soir vous invite à l'éclater du siècle, aussi vite que les titres de la fête du mec qui a vu la lumière, qui est rentré juste pour voir. Tout ce qui par hasard, si quelqu'un vous aime noir. Regardez les hommes qui se faisaient sauter, oh, s'exploser les tripes, attacher la moquette, à ne pas savoir pourquoi, moi c'est beau, plus c'est chouette, la floraison inerte d'un côté abdominal, c'est un tout long, la longitude tropicale, et si les solutions sortaient de mon chapeau, il suffit que je me montre, on vient tout vraiment total de la planète dans vos têtes. Au cirque, il y a un voyage dans les mondes parallèles avec mon anecdote et puis la fée clochette. Qui n'aura pas fait la guerre, C'est sûr, les plus nombreux auront toujours la dalle. Et la majorité du reste les rejoindra en son cale. On envoiera les vieux sur de lointaines planètes. On tatouera les cieux à la pourpure violette. On caressera les arbres à travers le plastique de nos combinaisons.